On se refait à monsieur, madame Lagrosse. Gérard, ça va? Ouais. Pour l'instant, tout se passe bien. Ouais. Elle est là aussi, la petite gamine, comment elle s'appelle déjà, son prénom, c'est la copine à Gaylor, la cousine, là. Comment tu t'appelles déjà? Fanny. Fanny. Attention, on recommence, hein, Fanny. Hein. Fanny. Fanny Z. Alors, un petit monsieur, madame Lagrosse. Hein. Allô, Lagrosse? Ouais, t'as fini tes conneries là, te faisant tuer une manu là. Ah oui, d'accord, ok, donc là on vient d'appeler Sandy, je savais pas. Allô, Lagrosse? Oui. Ça va, Lagrosse? C'est qui là? Ouais, ça. Allô. C'est un auditeur. Allô. Allô, Lagrosse? Ah, mais c'est quoi ce bordel encore, hein? Allô. Allô. Grosse truie, allô, Lagrosse? Ah, oh, zut, alors merde. Oh, elle est très forte, elle est très très forte. C'est une comédienne, c'est bien entendu la copine de Gérard, ça explique tout. Hein. Ça va, Sandy? Ça va très bien. Bon, très bien, en pleine forme? Oui, en pleine forme.